Bonjour. Vous cherchez quelque chose ? Oui, bonjour. Je vais travailler ici. Je dois commencer aujourd'hui. Ah, c'est toi la nouvelle. Bienvenue dans le service. Moi, je m'appelle Michel, je suis infirmier. Moi, c'est Nerida Solniziak. Je cherche le médecin-chef. Monsieur Vautier ? Eh bien, justement, tu vois ce type là-bas en blouse blanche ? Lequel ? Il y en a deux. Celui de gauche, qui porte des lunettes. Assez grand, l'air sérieux. Ah, merci. En fait, j'ai un peu le trac. C'est mon premier emploi et travailler dans un centre hospitalier, c'est pas évident. T'inquiète pas, tout se passera bien. Oui. Il y a longtemps tu travailles ici ? Oui, plusieurs années. Qu'est-ce que tu vas faire comme boulot ? Socio-esthéticienne. Je vais m'occuper du physique des malades. Tiens, c'est pas mal. Ah, le chef est libre. Vite, on y va ? Monsieur Vautier ! Voilà Nerida, le nouveau premier emploi. Elle vous cherchait. Ah, bonjour. Très bien. Venez, justement, j'ai un moment. Je vais vous présenter d'abord à Madame Santini de l'administration. Vous établirez vos horaires avec elle. Ensuite, vous viendrez me voir dans mon bureau pour un petit entretien. Oui, bien sûr, monsieur. Quand est-ce qu'on présentera les malades ? Vous les connaîtrez aujourd'hui, certainement. Ce sont surtout des personnes âgées. On leur a parlé de vous et elles vous attendent impatiemment, paraît-il. Excusez-moi, votre nom de famille, c'est... Solniziak, Nerida Solniziak. Bonjour, Madame Santini, comment ça va ? Je vous présente Nerida Solniziak. C'est son premier emploi. Voyez avec elle pour ses horaires. Bien, je vous laisse et je vous attends dans mon bureau dans un petit moment. Merci, monsieur. À tout à l'heure.